Phase 2, compréhension auditive. Phase 1, regardez les images et répétez les énoncés que vous entendez. 1. Ils font la queue. 2. Votre truc avec moi, ça ne marche pas. 3. Pardon, vous avez du feu? 4. Les deux étudiants regardent dans la cour. 5. Une étudiante traverse la cour. 6. Un drôle de type s'approche d'elle. 2. Écrivez la lettre de chaque énoncé que vous entendez sous l'image qui lui correspond le mieux. A. Il y a deux étudiants à la fenêtre. Ils regardent en bas, dans la cour. B. L'étudiante qui traverse la cour porte un jean gris et un blouson noir. Un jeune homme s'approche d'une étudiante et il lui demande du feu. D. Un drôle de type tout en noir s'approche d'un groupe d'étudiantes. E. Une dizaine d'étudiants font la queue devant un bureau. F. Un jeune homme s'approche de l'étudiante qui est à la tête de la file. Il lui dit qu'il la connaît.